forêt endormie. Le magicien des brumes a chassé les couleurs. N'a laissé en partant que le noir et le gris. Et les autres.